intersection, le feu est rouge. Sur le principe, l'arrêt est obligatoire. Le scooter doit attendre que le feu passe au vert pour passer. Pour la voiture rouge à droite, une flèche lumineuse clignotante indique que le passage vers la droite est possible. Le fait que cette flèche soit jaune et clignote indique que la manœuvre doit être faite avec certaines précautions. Le conducteur de la voiture rouge doit céder le passage aux piétons qui veulent traverser, céder le passage aux éventuels usagers arrivant de gauche et parfois de droite dans certaines intersections.